Exercice 6, page 20. Portez les pots à bout de bras du magasin à la maison. Disposez du papier journal sur le carrelage. Protégez le bord des fenêtres. Enfilez de vieux vêtements. Elle était prête.